reste encore une chance de ne pas vous rater demain. 20 ans de Myris, 20 ans de Mixart Myris demain. Encore une chance de ne pas vous rater. Encore une chance de ne pas vous rater. Encore une chance de ne pas vous rater demain. 20 ans de Myris, 20 ans de Mixart Myris demain. Encore une chance de ne pas vous rater. Yeah. tendance, comme vous l'avez compris, est une émission à tendance bruiteuse, pour dire le moins. Thank you.

grass is in front of me. My father, I believe it's my role to follow him to the hillside of Anderson. Even though I got 48 cents, grass is last in front of me. My pack, I believe it's my van to guard in my pocket hillside of Anderson. I got my keys, I got 48 cents, grass is last in front of me. I won't be you, pack, I believe it's my van to guard in my pocket hillside. And the day's coming, so I stuff my keys. Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net, c'est Nuisance. Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission où toutes les nuisances continuent. Avec de la grande et belle musique, comme c'est en habitude. Nous écoutons actuellement l'opus DI 24B 92A C77, page 24, alinéa 3.22, bis 22A, alinéa 3.12, K 22BW 287 du Codex Rouge de Jean-Sébastien Bach. Nous allons à présent passer vers un Antonio Vivaldi bien des plus fugaces et des plus enjoués. Après une légère pause où nos fournisseurs d'abcès dentaires va faire de la pub quoi pour vendre sa merde. Ouais, achetez ma merde c'est de la merde, mais au moins vous la payez bien cher. Ouais, voilà. Il y a bien de dire la marque, mais la marque c'est va chier quoi. Voilà, c'est cool. Donc tout ça pour vous dire qu'ici il n'y a pas de pub quoi, mais par contre il y a de la grande et belle musique. Donc Antonio Vivaldi, opus DI 2412 BD67. Alinéa 47, page 272, B27, alinéa bis, 42A, 65, C, 87, KW, 86, B, 150. I remember now how, when I was a kid, I would imagine myself in an earth. Antonio Vivaldi, si. That's what I would be. Que sera, sera, sera, how love you got me. Is that me? I'll never be. Antonio Vivaldi, ça déchire. Maintenant, on va écouter du Jean-Sébastien Bach. Voilà, Jean-Sébastien Bach, ça c'est trop de la balle. Trop de la balle. Maintenant, on va écouter du Mozart. Ouais, ça c'est de la balle, ça. C'est trop de la bonne musique qu'on écoute. C'est du Mozart, tu sais. Allez, Beethoven maintenant. I'm going to tell you about the place. I'm in the city of Newport. Mrs. Morgan looks at me, meets an eye, and I follow. Rebelle Sud, la radio est libre, nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances, libre ou merde. Vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est actuellement l'émission Nuisance qui va bientôt finir, qui va bientôt clore son débat, là où il n'y en a pas. Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Là où il n'y en a pas. Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Là où il n'y en a pas. Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Vendredi de 21h à 23h. Nuisance, l'émission qui nuit au sens. La radio qui ne cherche pas à combattre le souffle.